Je croyais vraiment qu'on allait rester là, se contenter de leur putain de miettes. Il a à nous ce putain de monde. Ya, on va leur montrer qu'on est né pour briller, qu'on est né pour tout arracher. On va jamais se contenter de ça, man. Ya, j'ai un leadership. Y'a quelques années, j'étais dealer cheat. Parfois, j'ai le cœur et le regard vide. Prisonnier, je garde mon libre arbitre. Pour moi c'est limpide, quand je ferme les yeux la ville s'illumine. Je repense à Bois d'Arc quand je suis sur une île. Et comme ils ont vu que j'étais Nia, ils sont servis du livre pour me trahir. Je leur ai donné mille raisons de m'aimer, ils en ont trouvé une pour me haïr. J'aidais leur daronne à Carrefour, ils m'envient comme si je contrôlais quatre fours. J'ai fait du chemin mais je suis que de passage, pas de message, ça reste un message. J'ai fourré Kelly pour un Hermès, j'ai décidé de revenir pour leur faire mal. Ça pue la weed dans le pack M, je me fais contrôler par la brave M. J'ai la quiche d'un quarter. Mets du Frozen dans le starter pack. Et si j'ai vu la mort de près, c'est que sur la portière y'a un tas d'impact. Je regarde les courses de chevaux, je viens de poser 20 points sur un pur sang. Producteur, je prends 100%, et je suis même pas encore à 30%. On part en tourbus armé, on a des liards, Veosval. On y va, on leur baise leur mère, on rentre au quartier, on se vanne. Et j'ai fait ma peine sur une jambe, ces bâtards ont tiré sur l'autre. Depuis petit affilié au gang, on est tombé l'un après l'autre. Toute ma jeunesse au car plat, on m'a dit c'est le karma. Les petits visières plus qu'un barman. Et les love d'un voyou comme Carla. En cavale on va jamais se rendre, en cellule on va jamais se pendre. Et putain les types sont trop boostés, on dirait qu'ils ont sniffé mes cendres. Yeah, j'ai un leadership, y'a quelques années j'étais dealer cheap. Non je voulais plus nous voir à Leader Price, c'est des voyous dans Miami Vice. J'ai un leadership, y'a quelques années j'étais dealer cheat. Parfois j'ai le cœur et le regard vide. Prisonnier je garde mon libre arbitre. Pour moi c'est limpide, quand je ferme les yeux la ville s'illumine. Je repense à Bois d'Arc quand je suis sur une île. Je repense à Bois d'Arc.